إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها الإخوة المسلمون، نحن اليوم في اليوم 15 من شهر رمضان، قد مضى النصف الأول من هذا الشهر الكريم وبقي لنا النصف الثاني. فيا أيها المحسن، من أحسن فيما مضى من هذا الشهر دم على طاعة الله والإحسان، ويا أيها المسيء وبخ نفسك على التفريط ولومها، لأن المسلم إذا خسر في هذا الشهر المبارك متى سيربح؟ فاتقوا الله تعالى واجتهدوا في الأعمال الصالحة في بقية شهركم. قال تعالى: أياما معدودات. وكم من الناس إلى يومنا هذا لم يستفد من شهر رمضان، قد ضيع نهاره في النوم والكسل ولياليه في السهر والخروج. إلى متى يعيش الإنسان للذاته وشهواته؟ وإلى متى يسير في طريق أهل النار ومع رقب إبليس عليه اللعنة، الذي قال تعالى عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. شخصاً بتطلاق Craignez votre Seigneur et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le 15e jour du mois de Ramadan. La première moitié de ce mois béni est passée. Donc, ô toi qui as été droit pendant cette première moitié du mois, continue sur ta lancée et continue sur la voie de l'obéissance et de la bienfaisance. Et ô toi qui as mal débuté ce mois, réprimande ton âme et blâme-la. Car si le musulman perd pendant ce mois, quand va-t-il triompher? Si la personne n'est pas capable de faire des efforts pendant le mois de Ramadan, quand est-ce qu'il va en faire? Fichouel, Fidel Khayla, Fissafar? Non. La meilleure occasion est le mois de Ramadan. Donc craignez donc Allah et faites des efforts d'œuvres pieuses pour ce qu'il nous reste de ce mois. Allah dit dans le Coran: Ayyam ma'dudat. Le musulman, lorsque le mois commence, il pense que c'est long. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cela n'est que quelques jours. Ayyam ma'dudat. Donc combien de personnes ont pour l'instant, n'ont pour l'instant tiré aucun profit de ce mois, en passant leur journée à dormir et dans la paresse, et la nuit à veiller, ou à sortir, ou à regarder la télévision? Et jusqu'à quand allons-nous vivre pour satisfaire nos envies et nos désirs? Toute l'année nous vivons pour satisfaire nos envies et nos désirs, et nous voulons en plus, pendant le mois de Ramadan, continuer dans ce chemin-là. Jusqu'à quand allons-nous suivre la voie des gens de l'enfer et Iblis, alayhi l'ana? Allah nous dit dans le Coran: le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour un ennemi, et il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ayyuha as-sa'im, kana Qatada ibn Da'amah as-Sadusi rahimahullah ahad as-salaf yaqul: كان يقال يعني في زمنه في القرون الأولى من الإسلام: من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له، لما في هذا الشهر المبارك من أسباب المغفرة والرحمة. فلنستدرك رحمكم الله باقي الشهر فإنه أشرف أوقات السنة، ولنعلم جميعا أننا مسؤولون عن ما نضيعه من أوقات وأحيان، هذا بصفات عامة. فما بالكم بالذي يضيع شهر رمضان؟ فعن عبادة الأسلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما عليه. رواه الترمذي. شيخ جلاله الإمام قتادة ابن دعابة السدوسي رحمه الله، un savant parmi les plus prédécesseurs, disait: les gens disaient, c'est-à-dire à son époque, dans les premiers siècles de l'islam, celui qui ne se fait pas pardonner pendant le mois de Ramadan, il ne se fera jamais pardonner, car dans ce mois sont réunies toutes les causes de pardon et de miséricorde. Donc, chers musulmans, il nous faut donc nous corriger pour la fin de ce mois, car ce sont les moments les plus nobles de l'année, ce sont les jours que nous devons protéger et préserver, et il faut savoir que nous serons questionnés sur le temps que nous gaspillons et gâchons. Donc, de manière générale, le musulman sera questionné sur sa vie et sur chaque instant de sa vie. Et plus précisément, qui sera capable de répondre à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il lui demandera pourquoi a-t-il gâché les jours du mois de Ramadan année après année? Abu Basr al-Aslami dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les pieds du serviteur yawm al-qiyamah ne bougeront pas de leur place avant d'avoir été interrogé sur cinq choses: sur sa vie et comment il a épuisé, sur sa jeunesse et comment il l'a passé, sur son argent et comment il l'a acquis et dépensé, et sur sa science et comment il l'a utilisé, rapporté par Al-Tirmidhi. ويتسابق الخيرون للتقرب إلى ربهم جل جلاله بأنواع الطاعات والقربات، من بين صيام وقرآن وقيام ودعاء وتضرع ونفقة وصدقة وتفطير للصائمين وغير ذلك من أنواع البر وأصنافه. وإن من أنواع الطاعات ومن أنواع البر في هذا الشهر المبارك التقرب إلى الله عز وجل بإخراج المال طيبة به نفوسنا، كريمة به أيدينا، نرجو ثوابا عند الله تبارك وتعالى. وقد علمنا يقينا أن هذه النفقة سبب لدخول الجنة. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض أعمالهم: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وهذه النفقة كذلك سبب في دخولك يا عبد الله في زمرة المتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذه آيات نحفظها كلنا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كما أن هذه النفقة سبب لمضاعفة الحسنات، قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Sachez que ce mois, le mois de Ramadan, est le mois pendant lequel les musulmans se concurrencent à faire le bien. Le musulman, il faut qu'il concurrence les autres musulmans en essayant d'être le premier sur tous les plans. Et les pieux s'empressent de se rapprocher d'Allah par toutes les sortes d'adoration et d'obéissance. Donc le mois de Ramadan n'est pas seulement le jeûne. Toutes les sortes d'adoration sont présentes pendant ce mois. Le jeûne, le Coran, la prière nocturne, la vocation, les dons, les aumônes, le fait d'offrir la rupture du jeûne, les visites, etc., etc. Et parmi les meilleures sortes de piété pendant ce mois béni, le fait de se rapprocher d'Allah par les dons, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, Et nous sommes certains que ces dons sont cause d'entrer au paradis. Donc Allah dans le Coran nous dit, dans de nombreux versets, nous avons cité quelques-uns, que les dons sont cause d'entrer au paradis. Allah nous dit, les pieux seront dans des jardins et parmi les sources, recevant ce que leur Seigneur leur a donné. Pourquoi ? Car ils ont été auparavant des bienfaisants. Pourquoi également ? Car ils dormaient peu la nuit, et également, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah, et dans leur bien, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. Et ces dons, chers musulmans, sont la cause qui fait entrer un individu quelconque, comme nous tous, dans le groupe très fermé des pieux, al-muttaqin. Et cela dans des versets que nous connaissons tous, mais il faut les appliquer. Allah nous dit Alif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la prière et dépensent dans l'obéissance d'Allah ce que nous leur avons attribué. Et les dons et les aumônes sont cause de multiplication des hasanats. Allah nous dit, quiconque prête à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois, Allah restant ou étant ses faveurs, et c'est à lui que vous retournerez. Ayyuhal muslimun, hadhihi an-nafaqa yasbilu al-anbiya'i wal-mursalin wal-awliya'i was-salihin alladhina kanu yajuduna bima atahum Allah min fadlih yabtaghuna ma 'inda Allah min thawabin wa ajr. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه وإن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه يعني هذا الرجل الذي صدق عليه فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. يقول أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا ومن عليها رواه مسلم. ولربما خلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي كان يلبسه فوهبه لمن سأله إياه. لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين جاء ابنه عبد الله بن عبد الله وابنه كان مسلما ومن أفضل المسلمين فجاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه حتى يكفن فيه أباه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مع أن أبيه يعني عبد الله بن أبي كان محاربا للإسلام والمسلمين وهذا الحديث رواه مسلم وهذا هو جود وكرم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الجود وهذا الكرم كان أعظم ومضاعفا في رمضان فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس أنا بصفتنا عنها وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه. شاو جنبه les dons et la générosité c'est la vie des prophètes des messagers des rapprochés d'Allah et des dieux. Ceux qui font preuve de générosité de ce qu'Allah leur a donné de sa bonté, en espérant ce qu'il y a auprès d'Allah comme récompense. Car les richesses que nous possédons, il faut savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous les a données. Anas ibn Malik radiallahu anhu dit, jamais l'envoyé d'Allah n'a été sollicité de donner une chose dans l'intérêt de l'islam sans qu'il ne l'ait donné. Et un homme lui demanda quelque chose, il lui donna alors un troupeau de moutons entre deux montagnes. Donc une très grande quantité de moutons. Et l'homme revint auprès des siens et leur dit, « Ô mon peuple, entrez dans l'islam, car Mohammed fait des dons de celui qui ne craint pas le besoin. » Et ainsi, il arrivait qu'un homme vienne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne recherchant qu'un bien terrestre, mais le soir venu, la religion lui était plus chère que toute la terre et ce qu'elle contient. Il était même capable, sallallahu alayhi wa sallam, de retirer ses vêtements si quelqu'un en avait besoin. Donc il faut que chacun se mette dans cette situation. Si demain tu rencontres une personne n'ayant pas de vêtements, serais-tu capable de retirer tes propres vêtements pour les lui donner? Et le jour où Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites, est décédé, son fils, Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Saloul, qui faisait partie des meilleurs musulmans, est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé son khamis afin qu'il s'en serve de linceul pour son père, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lui a donné. Voilà donc la générosité et la bonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans sa vie de tous les jours. Mais sachez que cette bonté et cette générosité étaient encore plus grandes et multipliées pendant le mois de Ramadan. La preuve, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des hommes, et il était particulièrement généreux pendant le mois de Ramadan, lorsqu'il recevait la visite de Jibril. Or, Jibril venait le voir à chaque nuit de Ramadan et étudiait avec lui le Coran, et le prophète devenait alors plus généreux que le vent qui souffle sans arrêt, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. أيها المؤمنون وقد اقتدى به أصحابه رضي الله عنه لأن الله تبارك وتعالى يقول ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه إن سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال عمر والله لا أسبقه إلى شيء أبدا رواه الترمذي وكان أبو طلحة الأنصاري أكثر بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرها حديقة وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب يقول أنس رضي الله عنه فلما نزلت هذه الآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي غيرها وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت قال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذلك مال رابح ذلك مال رابح قد سمعت ما قلت فيما قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين متفق عليه فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه قسم عليهم ذلك البستان يرجو ما عند الله من فضل وإحسان شكرا. Donc comme vous avez pu l'entendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très généreux. Et ses compagnons ont pris exemple sur lui, car Allah nous dit qu'il y a dans le prophète un bon exemple à suivre pour celui qui espère en Allah et l'invoque continuellement. Et Allah nous dit dans le Coran, vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Certains parmi vous se montrent avares. Et quiconque cependant est avare, l'est à son détriment, Allah est le suffisant à soi-même, alors que vous êtes les besogneux. Omar ibn Khattab radiallahu anhu dit, le prophète nous a ordonné de donner dans le sentier d'Allah, un jour. Et je voulais pour une fois donner plus que Abu Bakr. Donc Abu Bakr était toujours celui qui faisait le plus d'efforts. Omar a alors pris la moitié de ses biens et s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui dis, voici la moitié de ce que je possède pour l'islam. Et le prophète me demanda ce que j'ai laissé pour ma famille et je lui répondis l'autre moitié. Ensuite vint alors Abu Bakr et il donna tout ce qu'il possédait. Et le prophète se demanda, qu'as-tu laissé à ta famille? Il répondit, je leur ai laissé Allah et son messager. Ici Omar comprit et dit alors, par Allah, je ne devancerai jamais. Abu Talhah al-Ansari était à Médine le plus riche propriétaire de palmiers. Et sa palmeraie qu'il aimait le plus était celle de Bayraha, qui faisait face à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam y entrait souvent et y buvait d'une eau très bonne. Anas ibn Malik radiallahu anhu dit, quand fut descendu ce verset, jamais vous n'atteindrez la bienfaisance jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez. Abu Talha décida de comprendre ce verset et de l'appliquer. Et il dit, ô messager d'Allah, Allah dit dans le Coran, jamais vous n'atteindrez la bienfaisance jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez et de tous mes biens, rien ne m'est plus cher que Bayraha, donc cette palmeraie. Aussi est-elle désormais de ma part une aumône pour Allah. J'espère y trouver un bien dans ce monde et dans l'autre auprès d'Allah. Cela donc au prophète à l'endroit que te fait voir Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, bravo, bravo, voilà donc un placement gagnant. C'est ça un placement gagnant. J'ai bien entendu ce que tu viens de dire et je suis d'avis que tu la places parmi tes parents. Et Abu Talha dit, c'est ce que je vais faire au messager d'Allah. Et il partagea la palmeraie entre ses proches et ses cousins, rapporté par le Bukhari et le Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'il al-muslimin min kulli dhanb. Astaghfiruhu innahu al-ghafur rahim. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد الا له والصلاه والسلام على خاتم النبوءه والرساله وعلى اله وصحبه وكل من انتمى له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد عباد الله عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر رواه الطبراني والصدقة أجرها مضاعف وثوابها عظيم قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي الصدقة تزكية للمال وتطهير للبدن ووقاية لمصارع السوء. وفي الصدقة كذلك دفع للبلايا والمصائب والأمراض. والصدقة كذلك سبب للشفاء بإذن الله. كم من الناس يشتكي من الأمراض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة. كما أن الصدقة أيها المسلمون تنفع العبد يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تطفئ عن أهلها حر القبور وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته رواه الطبراني. كما أن الصدقة سبب لظل العبد في ذلك اليوم العبوس الصعب في ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. ذاك الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Chers serviteurs d'Allah, selon Abu Umamah al-Bahili, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: faire le bien protège de la mauvaise mort, et l'aumône discrète éteint la colère divine, et l'entretien des liens de parenté augmente la durée de vie, rapportée par l'imam al-Tabarani. Et l'aumône, sa récompense est multipliée et énorme, dans un verset que nous connaissons tous: ceux qui dépensent leur bien dans la santé d'Allah ressemble à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grains d'épis, car Allah multiplie la récompense à qui il veut. Il veut, et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Donc dans l'aumône, il y a une purification des richesses, une purification du corps également, et une protection contre la mauvaise mort. L'aumône éloigne les malheurs, l'aumône éloigne les épreuves et les maladies, et l'aumône est cause de guérison, guérison par la permission d'Allah. Combien de gens à notre époque se plaignent de beaucoup de maladies qui n'étaient même pas présentes dans le passé? Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: daru maladakum bis sadaqa, soyez vos malades avec l'aumône. Et elle est utile également aux serviteurs le jour de la résurrection, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'aumône est à la chaleur de la tombe pour ses habitants, et le serviteur sera sous l'ombre de son aumône le jour de la résurrection. Et l'aumône et le don sont une cause qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra certains de ses serviteurs sous l'ombre de son trône le jour où il n'y aura pas d'ombre sauf celle-ci. Et ce serviteur est celui qui fait une aumône en discret, au point que sa main gauche ignore ce que vient de dépenser sa main droite. Et Allah dit dans le Coran: si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est un bien. C'est mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elles et vous les donnez aux indigents. Et Allah effacera une partie de vos méfaits. Grâce à cette aumône, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et yo musulmane. Et Rabbu Ta'ala, الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قد يقول قائل: أنا لا أملك إلا قليل، لا أملك إلا ما أقتات أنا وأهلي وعيالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000. فقال رجل: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل له مال كثير، أخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به. رواه ابن حبان. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله: رب عمل صغير تكفره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. وقد تتصدق بتمرة واحدة فيقيك الله بها حر النار أو نصفها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا نار جهنم تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. تمرة يعني أمر يحتقره عامة الناس، تمر تتقرب بها إلى الله عز وجل، ترجو ثوابه وتخاف عقابه، تنفقها في سبيل الله بنية صالحة، تطعم بها جائعا، تهديها إلى مسكين، تدخل بها السرور على مسلم، هي عند الله عز وجل بميزان عظيم. شق تمرة ففوق ذلك من باب أولى. شاب مسلم. الله نزل القرآن: le diable vous fait craindre l'indigence. Le diable vous fait craindre la pauvreté et vous recommande des actions honteuses pour ne pas tomber dans la pauvreté. Tandis que Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Certains vont dire: moi, je ne possède que ce qui me permet de survivre, moi et ma famille. Quoique, si on observe bien, la majorité des gens dépensent dans des choses inutiles. Mais sachez également que même si c'est vrai, la personne ne possède que ce qui lui permet de survivre. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un dirham dépensé peut dépasser la valeur de 100 000 dirhams. L'important, c'est l'intention de la personne. Le prophète nous dit, un dirham dépasse la valeur de 100 000 dirhams. Les compagnons demandèrent, comment cela est-il possible au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, un homme qui était très riche alla vers ses biens et prit alors 100 000 dirhams et les donna en aumône. Alors qu'un autre homme qui ne possédait que 2 dirhams, il en donna un sur deux en aumône, ce qui signifie la moitié de sa richesse. Soufiane ibn Uyayna rahimahullah nous dit, de nombreuses petites œuvres, l'intention les rend immenses, et de nombreuses grandes œuvres, l'intention les rend minuscules. Et il se peut que tu donnes une date en aumône. Donc une date, chaque personne, pour vous, cela ne représente rien. Qu'est-ce qu'une date? Une personne qui donne une date en aumône, on va lui dire que c'est une personne avare. Mais il se peut que tu donnes une date en aumône et Allah te protège du feu grâce à cette aumône. Et si tu donnes encore plus, à plus forte raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, votre Seigneur parlera à chacun d'entre vous, yawm al-qiyam, sans qu'il y ait de traducteur entre vous. Et la personne regardera alors à sa droite et ne verra que ses actions. Puis elle regardera alors vers sa gauche et ne verra que ses actions. Puis elle regardera alors devant elle et elle ne verra que le feu devant son visage. Donc, craignez l'enfer, même si ce n'est qu'en donnant la moitié d'une date en aumône. Une date, tu désires à travers elle te rapprocher d'Allah, obtenir sa récompense, être éloigné de son châtiment, tu la donnes pour Allah. Donc ça c'est important. L'intention avec laquelle tu donnes ton aumône, tu la donnes à une personne dans le besoin, tu fais entrer la joie dans le cœur de ce musulman, cette date a une grande valeur auprès d'Allah. فَاتَّقُوا اللَّهَ بِشِرْكِ تَمَرْ وَعَلَمُوا أَنَّ الْمَالَ لَا تَنْقُصُهُ الصَّدَقَةَ بَلْ تَزِيدُهُ نَمَاءً وَبَرَكَةً فعن أبي كبشة المالي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهم أحدثكم حديثا تحفظه ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر رواه الترمذي. ونتذكر جميعا أيها الإخوة الكرام أننا سلفنا وسنترك أموالنا وراء ظهورنا فيكون خيرنا لغيرنا وشرها علينا فلنحسن قبل الفوات ولندخر لأنفسنا أجورا لما بعد الممات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن سبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته رواه ابن ماجه. Craignez donc Allah, chers musulmans, et sachez que l'aumône ne fait pas diminuer nos richesses, contrairement à ce que le diable peut nous murmurer. Au contraire, cela développe nos richesses et y met de la bénédiction. Selon Abu Kabsha al-Anmali, radiallahu anhu, il nous dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Il y a trois choses auxquelles je jure la véracité, je vous les cite, apprenez-les. » Le prophète a dit « Jamais une somme d'argent n'est diminuée par le monde. Et tout individu frappé par une injustice qu'il subit avec patience, Allah lui accordera par cette injustice la noblesse. Et tout individu qui demande l'aumône comme nouvelle source d'enrichissement, Allah le rend par cette source plus pauvre. » Donc les gens qui demandent en espérant que ce soit une source d'enrichissement, Allah les rendra plus pauvres, rapporté par l'Imam Tirmidhi. Et sachez, chers frères et sœurs, que nous allons tous disparaître. Chacun d'entre nous est amené à mourir. Et nous allons tous laisser des richesses derrière nous. Donc pourquoi a-t-il voulu tout cet argent si c'est pour que cela ne nous soit pas utile dans l'au-delà? Donc, d'autres personnes ont profité de nos richesses, d'autres personnes ont profité de notre argent, et il faut donc se dépêcher de profiter, nous, de notre propre argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et cela avant la mort. Abu Huraira, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les choses qui rejoignent le croyant après la mort de ses œuvres et ses bonnes actions, une science qu'il a enseignée et propagée, un enfant pieux qu'il a laissé, un Coran qu'il a laissé en héritage, donc les gens lisent de ce Coran, une mosquée qu'il a construite, une demeure pour le voyageur qu'il a construite, une rivière qu'il a fait couler, une aumône qu'il a donnée alors qu'il était vivant et en bonne santé. Ça c'est important également. On ne donne pas quand on a peur de la mort. On donne en ce moment, lorsqu'on est vivant et en bonne santé. Le prophète finit par dire, tout cela rejoint le croyant après sa mort, rapporté par Ibn Majah. Sallallahu ta'ala bi asma'il husna. On s'est fait dire là, أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من المتصدقين وأن يجعلنا من الأسخياء اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين واجعل كل ذلك خالصا لوجهك الكريم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس أذهب البأس اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم تقبل للإخوان الذين يساعدون هذا المسجد بأموالهم وبجهودهم وبدعواتهم وأوقاتهم اللهم تقبل منهم اللهم تقبل منهم واجعل كل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة وبارك لهم في أموالهم وفي صحتهم وفي أولادهم وفي تجارتهم وفي جميع شؤونهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة